Bon. On fait une liste de ce qu'est être bouddhique. Ça, c'est une personne qui m'a peut-être entendu à la radio. Je sais pas ce qu'elle a ramassé ça, mais enfin, c'est pas grave, c'est bien. S'amuser à être simple, aller au cinéma, jouer au tennis, sourire, ne pas se prendre au sérieux. On imite la liste pendant 50 ans et on imite l'humilité. À force d'imiter, peut-on finir par le devenir vraiment? Le séminaire que j'ai donné, Colère mentale 2, où je donnais une liste justement d'expressions de l'intelligence à travers l'homme, mais j'ai été un peu hypocrite. Bien souvent, je ne dis pas tout, mais ce n'est pas nécessaire de dire tout non plus. C'est comme de dire à quelqu'un, mange ça, c'est bon, mais ce n'est pas nécessaire de tout lui donner les ingrédients. Il n'a pas besoin pour l'instant. Dans la liste que je vais donner, la personne, elle va exprimer de l'intelligence supramentale, elle va exprimer un peu d'énergie du plan bouddhique et un peu d'énergie du plan divin. Et nécessairement, à force d'imiter, et quand je parle imiter, c'est imiter 24 heures sur 24. Et à force d'imiter, fais comme si tu l'avais et tu l'auras. Dernièrement, il y a un bonhomme qui est allé, qui a amené un prêtre catholique, chez les Sœurs Grises. Et ce prêtre-là, il va régulièrement dans ces cossins-là, il est bien connu, c'est pas un prêtre, c'est un évêque, je crois. Il a près de 80 années. Et lorsqu'il est rentré là avec un de mes amis qui est animateur de radio, eh bien, toutes les sœurs sont garochées sur l'animateur de radio. Et puis, notre bonhomme, eh bien, c'était absolument trippant. De la manière qu'on me comptait ça, le gars, il a décodé en masse. Et ce personnage, eh bien, il marchait comme ça. Puis là, les sœurs, lui, ont dit bonjour à un moment donné. Bonjour, bonjour! Et puis finalement, ben là, tout le monde s'est rendu compte que le bonhomme, il boudait. Puis tout le monde le respectait comme un saint. Alors, ils ont été prendre un café, et il tenait son verre de café, puis il buvait. Puis là, tout le monde jasait, puis on voulait jaser avec lui, puis lui, c'était... Alors, la sœur supérieure lui a dit, « Faites donc une prière. » Ils sont rusés en masse. S'il se met à prier, il risque de rentrer dans des mémoires convenables. Il n'a pas voulu prier. D'ailleurs, il s'est fait prier. Et puis finalement, ben, quand il est sorti, c'était vraiment, vraiment, vraiment une folie. « Avez-vous vu la belle peinture? » « Oui, oui, oui, oui, je l'ai vu, bon. » Là, il est descendu les marches du couvent, et puis il a dit, « Je me suis fait avoir. » « Oui, oui. » Bon, puis il est parti. Il a joué, il a imité, seulement devant les gens. Alors, j'ai dit à mon ami que ce gars-là était un pharisien. C'est-à-dire que lorsque l'on parle d'imiter, c'est comme la question ici. Si on imite qu'on est heureux, allons-nous devenir heureux? Si tu imites que tu es heureux devant les gens, tu fais comme une personne qui est obèse. Tu es comme un clown. Tu seras malheureux intérieurement, mais personne ne le saura. Si tu imites pour toi, pas pour les autres. Alors là, tu deviendras heureux. Si tu es 24 heures sur 24 en état d'imitation de bonheur, ça veut dire que tu es heureux, c'est tout. Il y a une chose, je le dis souvent, c'est pendant longtemps, on veut avoir une bébelle et on va jouer à l'avoir. Puis quand on va l'avoir, on va penser qu'on joue encore. C'est là l'erreur. Alors la personne va se poser la question, après 50 ans d'imitation, bien là, je me pose la question, est-ce que j'imite ou si je suis? Fous-toi-en donc, puis continue donc. On n'a pas besoin de la forme « bonjour, bonsoir », mais toi, tu en as besoin pour montrer que la forme n'est pas importante. Et c'est toi qui t'y attaches. C'est la vibration du bonjour, du non-bonjour qui importe, pas les bonjours. Un bonjour vide vaut-il mieux que pas de bonjour plein? Un sourire vide que pas de sourire plein? J'appelle cela de temps en temps, enfin, il y a des vibrations de frustration qui se promènent. Un bonjour vide, est-ce que c'est mieux qu'un bonjour plein? Non. Un bonjour vide, est-ce que c'est mieux qu'un pas de bonjour pantoute? Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est plein ou vide? Je donne à un malade un aliment qui ne contient presque rien parce qu'il doit recommencer à s'alimenter. C'est vide. C'est pas plein. La personne qui est athlète à côté qui regarde ça, elle dit « Voyons donc, c'est saison de niaiser. » Non, si je donne un aliment plein, je la tue. Si je n'en donne pas, je la tue. Pour le patient ou la personne qui sort de son jeûne, l'aliment que je lui donne est plein. Pour l'observateur à qui ça ne s'adresse pas, il va dire « C'est vide. » Et bien évidemment, c'est sûr que c'est très intéressant de passer sa vie de conscientisation à s'occuper de ce que les autres expriment. De cette façon-là, on ne voit pas ce qui se passe chez nous. Alors, on peut se sentir bien. Un bonjour vide ne peut être perçu que par celui à qui ne s'adresse pas le bonjour. C'est simple. L'eau ne peut pas désaltérer celui qui ne la boit pas. C'est simple. Alors, lorsqu'on ne veut pas prendre d'eau, on n'a qu'à ne pas prendre d'eau. C'est pas nécessaire d'interdire l'eau. Il y a des stéréotypes extrêmement majeurs dans ce qu'on appelle être conscientisé. Et ces stéréotypes-là, vous devez apprendre à les briser parce que vous allez devenir ce que j'appelle ces temps-ci les martyrs de la transition. Il y a des stéréotypes, des idées conformistes extrêmement rigides dans lesquelles on place l'intelligence, dans lesquelles on place la conscience, dans lesquelles on place le contacter et le fusionner. Et ces stéréotypes-là, on doit les éliminer. Vous avez brisé des concepts jadis, des concepts d'un Dieu créateur avec une barbe blanche, avec des armées et tout le patatras. Mais maintenant, on a d'autres concepts qui sont plus fumistes encore, plus dangereux parce que plus subtils, parce qu'ils n'ont pas été personnifiés. Alors Dieu, on peut le maudire dans la personnification qu'on a de lui. Et on va appeler ça de l'intelligence. C'est plus dangereux encore pour la simple raison qu'on ne le personnifie plus. Alors notre conscience anti-homme égoïque aura de la difficulté à voir ces dangers. Lorsqu'une personne en est rendue à défendre continuellement des archétypes, des idéologies, l'intelligence s'exprimera sur la planète comme l'intelligence s'exprimera, pas comme l'homme voudra qu'elle s'exprime. Alors, à un moment donné, il y a un être humain qui recherche le contact supramental, puis comme il a vu deux ou trois conférenciers qui avaient un tic ici, la journée qu'il y a un tic qui est là, bien, il est convaincu qu'il est plugué. La journée qu'il voit quelqu'un d'autre monter sur une scène et commencer à parler, puis il n'y a pas. Bien, il se dit, ce gars-là, là, c'est un fumiste. C'est simple. Ce n'est pas ce qu'il va dire, ce n'est pas de la façon dont il va le dire, mais il y a des symptômes du contact. Puis ces symptômes-là, si tu ne les as pas, tu n'es pas contacté. Parce que l'intelligence doit s'exprimer selon ce qu'on a appris dès le début. Et l'intelligence, elle va s'exprimer selon ce que l'intelligence va s'exprimer. Vous ne pourrez jamais demander à une femme, et ça c'est un problème, un grave problème chez les femmes, comme chez les hommes. La première fois que l'intelligence supramentale a été amenée sur la planète, ça a été amené avec violence. Ça a été amené avec violence, surtout dans l'expression de Krishnamurti, destruction de choses, de formes. Lentement, il s'est replacé, et ça a été correct. Il est mort aux États-Unis, enfin il est mort quelque part, avant d'avoir fini la création d'une école pour enfants nouveaux qu'il voulait faire aux États-Unis. Ce n'était pas le même Krishnamurti que les gens avaient connu. Il était même rendu qu'il voulait faire une école pour les enfants nouveaux. Alors là, c'était, il y a un paquet de disciples qui l'ont laissé tomber. Krishnamurti, c'est le genre de gars à dire, quand il posait une question, croyez-vous en Dieu? Et Krishnamurti répondait, je t'entends par Dieu. Puis là, Krishnamurti répond, qu'est-ce que tu veux dire par Dieu? Puis là, Krishnamurti répond, si tu parles du Dieu qui aime l'homme, c'est bien qu'un Dieu aime l'homme. Puis finalement, Krishnamurti, bon, tu mets une école pour les enfants. Mais Krishnamurti n'a pas changé rien de ce qu'il a dit, il a simplement réussi à se connecter après le contact supramental au plan bouddhique et finalement au plan divin. Et nécessairement, la violence supramentale qui est une violence mécanique. La violence supramentale, c'est une souffleuse. Ça ramasse les bandes de neige qui sont rigides et ça les souffle en fragments. De façon à ce que vous sachiez toujours que la bande de neige est de la neige, des flocons. Il y a un enfant qui s'est fait un igloo dedans, la souffleuse elle passe, puis elle souffle l'enfant avec, ça finit là. C'est ça, l'intelligence supramentale. Et parce qu'à un moment donné, vous avez vu trois ou quatre enfants sortir de la souffleuse, eh bien voilà, c'est l'intelligence supramentale. L'intelligence bouddhique qui anime le plan supramental, elle met des gars pour checker en avant de la souffleuse. Alors, lorsque la souffleuse s'en vient, il y a un gars qui, hop, il arrête la souffleuse, puis là, il sort les enfants de l'igloo, puis il fait avancer la souffleuse. Là, qu'est-ce que vous constatez? Pas d'intelligence supramentale, ça c'est de la spiritualité, ou bien non, c'est une copie, ou bien non, c'est etc. Pourquoi? Parce que la violence a été atténuée par le plan bouddhique qui est de l'amour intelligent. Les stéréotypes, on doit les éliminer. À quoi doit ressembler un contacté supramental? Ben, il doit simplement être un individu qui est parfaitement lui. Mais l'individu qui est parfaitement lui, ça veut dire que, si on veut accepter cet axiome, cela veut dire qu'il va simplement faire comme ce bon va lui sembler. Et ce n'est pas à cause d'un agissement qu'on va nécessairement prétendre autre chose. Si moi, je décide dans ma souffleuse, à neige, de mettre des gars en avant pour vérifier, et de contourner les igloos des enfants puis continuer à souffler, ça me regarde. Si un autre veut s'arrêter à mettre des gars, sortir les enfants et passer des glous dans la souffleuse, ça le regarde. Puis si un autre a un contact où il souffle la neige, puis il passe tout ce qui est dedans, ça le regarde. Pas de souffleuse pantoute, c'est plus du plan supramental, on revient dans le plan mental. On doit faire extrêmement attention. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus, et plus cela va aller, plus ces individus seront les martyrs de la transition. Donc, ceux qui amèneront de l'intelligence dans l'astral de façon à ce que le reste de l'humanité s'en serve. La personne, elle a des idées géniales. Elle n'arrive pas à rien appliquer. Il y a des raisons et des motifs. Chose qui est certaine, c'est qu'elle fera ce que j'appelle partie des martyrs de la transition. Elle amène l'intelligence dans le monde de la mort, là où l'humanité n'a pas accès dans l'intelligence. L'humanité ayant accès sans problème au monde de la mort, dans les paliers des cieux, va maintenant boire l'intelligence qui s'y trouve, que certains auront amené, et vont l'appliquer. Et ceux qui amènent et qui n'appliquent pas sont les martyrs. Et nécessairement, lorsqu'on en est rendu, à devoir fonctionner. Pourquoi on ne doit pas dire bonjour à quelqu'un? Si ça te tente de le dire, tu le dis. Si ça te tente pas, tu le dis pas. Là est la simplicité. Mais dans le phénomène très archétypal rigide, on oblige le bonjour. Et dans le phénomène archétypal rigide déconscientisé, on interdit le bonjour. Il y en a un qui mange du porc, l'autre mange du cochon. Il y a ici au centre, à travers les PMC, des gens qui disent bonjour. Il y a à travers les PMC des gens qui disent... C'est écœurant comment ils sont beaux encore, eux autres, hein? Eh oui. Voulez-vous un endroit sur la planète où il y a énormément de gens qui parlent contre les autres? Ben, vous y êtes. C'est simple. Parce qu'on a une idée très conceptualisée. L'énergie supramentale est l'amène de la puissance. La puissance, la première fois qu'elle a été amenée, était une puissance à coups de poing. Et lentement, cette puissance-là, elle s'ajuste à l'humain. Un ajusteur de pensée peut être très expérimenté, c'est rare, mais il peut être aussi très inexpérimenté. Il y a un ajusteur de pensée global à l'échelon de l'humanité. Et celui-là, c'est vos caves. Ce qui reste passé descend à travers certains individus, puis eux autres, dépendant de leur ajusteur de pensée, laissent passer ou ne laissent pas passer. Vous savez, on peut manger des fibres alimentaires à pleine cuillère. Vous n'en mangerez pas plus qu'une cuillère. La deuxième, elle ne passera pas. Vous ne pourrez pas la croquer ou l'avaler. Vous allez la cracher tellement c'est pas bon. On peut faire un gâteau aux fibres. Puis là, vous en faire avaler trois cuillères de fibres. La personne qui dit « il faut manger pour la santé », alors elle ramasse ses fibres, puis il va. Puis c'est pas bon, puis à force, puis à pousse, puis bon. Et puis il y a l'autre qui, lui, se fait un gâteau aux fibres, puis il met des ingrédients où ça atténue énormément. De quoi de bon pour la santé ou de quoi de neutre? Puis il bouffe ses fibres pareil. Vous avez le choix. En enlevant l'espoir à l'ego, à l'âme, de pouvoir accomplir des choses qui aident à aimer vivre sans chercher de résultats qui enorgueillissent la personne, ne perdons pas l'estime de soi, la confiance, le choix des décisions, la motivation pour ne vivre que d'apitoiement, sans but, à attendre que se passe quelque chose qui peut changer le soutien. La conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est l'état qui s'exprime à travers l'homme et qui lui permet de vibrer la réalité de l'illusion. C'est la conscience. Plus on a de conscience, plus on peut discerner entre la réalité et la subtile illusion. Et plus notre conscience grandit, plus l'illusion subtile, qui est presque la réalité, devient décodable. Jouer au golf, jouer au golf. Mais si on n'a pas la conscience pendant qu'on joue au golf, on est mort. Méditer, méditer. Si on n'a pas la conscience pendant que l'on médite, on est mort. Parler supramental, parler supramental. Si on n'a pas la conscience pendant qu'on parle supramental, on est mort. La nuance, c'est la conscience. On fait un exercice à un moment donné qui s'appelle de l'improvisation. Alors, les gens viennent sur la plateforme ici et on leur donne une activité normale de la vie. Je le répète à ceux qui ont pratiqué l'activité parce que je veux vous rappeler pourquoi on l'a fait. Alors, les gens viennent et puis c'est simplement aller emprunter de l'argent à la banque. Trois joueurs. Et trois montres. Et ce qu'ils doivent faire, c'est pas juste d'improviser, qui demande une parole instantanée. C'est de me faire rire. C'est-à-dire qu'ils doivent s'arranger pour rendre amusant pour eux toutes les situations banales de la vie. Alors, ils arrivent et puis finalement, bon, il y en a un qui s'amuse, mais il y en a un qui ne s'apparaît pas trop, puis l'autre, il marche, puis bon, ils peuvent transformer une situation banale en plaisir. Alors, ils sont vivants. La personne va dire, oui, mais si ça marche, pourquoi ceux qui sont dans la ligue d'improvisation, ils ne se conscientisent pas? Parce que ceux qui sont dans la ligue d'improvisation n'ont pas conscience de ce qui se passe quand ils font. C'est juste ça, la conscience. L'enfant, il est parfait, mais il n'a pas conscience de son état. Je ne parle pas d'un apprentissage mémoriello astral, de conscience instantanée vivante qui fait que tu oublies ce qui se passe, mais tu sais qu'est-ce qui se passe. Alors, ceux qui pratiquent cela n'ont pas la conscience, donc ils ne peuvent pas évoluer par cet outil. Et ceux qui le font avec la conscience évoluent avec l'outil. La personne, elle va dire, elle pose la question, bon, si on élimine certaines choses, finalement, on arrive à s'ennuyer, à perdre le plaisir, la jouissance de la vie, bref, on est là, on s'écrase, puis on attend. Il y a une mécanicité très importante là-dedans. Alors, il y a le réservoir de l'âme qui contient la grande majorité de ce que vous appelez l'homme. Et c'est une copie. Vous êtes une copie de vous. Une copie tellement parfaite que vous vous appelez vous. Bon. Cette âme, elle est reliée par un canal à son créateur. Son créateur, dans votre cas, c'est Dieu. Le Dieu catholique, dans la majorité des cas du moins. D'autres sera Allah, d'autres sera Vishnu, d'autres sera Krishna, d'autres sera Jéhovah, d'autres sera d'autres. Et cette âme, elle est en continuel contact avec une réincarnation continuelle, 24 heures sur 24, de mémoire et de personnalité réincarnative, qui viennent stimuler vos vies. Et stimulant vos vies, eh bien, vous ne restez pas écrasé sur une chaise, vous avez toujours le goût de faire quelque chose. Le goût de jouer au badminton, le goût de sortir dehors, le goût de vous engueuler. Et l'homme englobe cette âme. Et dans l'âme, il y a quelque chose d'autre, un autre petit canal, à peine ténu, comme un fil, qui lui est relié à quelque chose d'extérieur à l'âme. Comme la création est reliée de l'extérieur, copie conforme, mais dans des plans plus bas. Et c'est par là que l'intelligence supramentale passe. Ce cordon très, très, très, très ténu va lentement devenir plus gros, il va devenir le plan mental. Et c'est par là que l'intelligence va passer. Lorsque l'être humain est dans une phase évolutionnaire, si l'ego devient trop puissant, l'orgueil, se prendre au sérieux, on peut être écrasé dans son coin à brailler, puis on a un orgueil extraordinairement puissant, on se prend tellement au sérieux qu'on maudit le reste de l'univers. Comme on peut avoir un orgueil puissant, puis écœurer tout le monde. Lorsqu'on a un ego trop puissant, l'ego peut finir par obliger un être contrôle qui règle ce qui se réincarne à ne laisser réincarner que ce qui ne va qu'avec l'ego. Alors, lentement, du monde de la mort, dépendant de la région, de l'emplacement des paliers mobiles du monde de la mort, donc on pourrait dire astrologiquement des planètes, eh bien, il n'y a rien qui peut se réincarner chez vous, vous êtes trop orgueilleux. Pendant ce laps de temps où rien ne se réincarne, eh bien, votre ego, votre âme n'est plus nourrie par le monde de la mort. Elle n'est plus stimulée. Et c'est là que, lentement, on s'écrase. Ça engendre la majorité des suicides. Mais dans le phénomène de l'évolution, c'est un peu la même chose. Votre faculté mentale peut donner des raisons à l'ego pour bloquer la mécanicité réincarnationnelle. En l'occurrence, l'idée de ne pas être manipulable. Pendant ce temps, va se développer le canal qui permet à l'énergie mentale de pénétrer. Lorsque le canal qui permet la réincarnation et qui est orchestré par ce que j'appelle des aides contrôle commence à s'étrangler, ou parce que l'ego refuse tout ce qui descend là-dedans, si le mental est suffisamment ouvert pour que de l'intelligence pré-mentale pénètre, vous allez parvenir à ce que je dis. Vous n'aurez plus de désir, mais vous allez être capable d'accomplir. Mais quand on n'est pas capable d'accomplir parce qu'on n'a pas assez d'intelligence pré-mentale qui descend et qu'on n'a plus de désir, il y a un problème. C'est pourquoi, encore une fois, si on se conforme à une copie, on va être capable de vivre ce laps de temps, de passer sans trop souffrir. L'intelligence supramentale descend par le plan mental. Le plan mental est hautement régi par votre astral. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Maudire le plan astral dans toute sa forme, c'est se maudire soi-même. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'une âme pure? L'âme, c'est un problème, mais c'est surtout l'ego dans l'âme et les mémoires volatiles dans l'âme. Mais qu'est-ce qu'une âme pure? Bien, une âme pure, c'est tout le phénomène subatomique, disons atomique ou énergétique, qui paramètre ce qui va être contenu dedans et qu'on va appeler l'âme. Une âme pure, c'est une enveloppe séraphique. Une âme pure, c'est l'enveloppe énergétique qui structure toute l'orchestration atomique et moléculaire de vos cellules. Et c'est cette âme pure-là qui va se fusionner avec le dôme éthérique. L'âme, elle restera utile. Et ce qu'elle contient est de l'énergie. Ça va créer le dôme éthérique par anégoïsation. Lorsque l'intelligence veut s'exprimer par l'homme, par la femme, elle est obligée de passer par des mécanicités qui vont l'obscurcir. Exactement comme ici dans votre petite cabane, où il y a un gros entonnoir sur le toit, mais ce qui rentre comme lumière est un petit trou. Alors la lumière, elle frappe le toit et elle doit être obscurcie pour vous toucher. De façon à ce que ce qui va regarder, l'œil entre autres, votre conscience va être capable de voir la lumière, mais vos yeux vont brûler. Alors, la lumière, elle rentre en gros plan. Et là, il y a un ajusteur de pensée, il y aura le plan mental, un ajusteur psychologique, intellect, il y aura le plan astral, et il y aura des différentes mécanicités qui vont vous amener la lumière. Mais l'intelligence supramentale, ça doit de passer par un corps astralisé. Or, l'âme, on en a besoin. On en a besoin à la condition exclusive que nous restions nos seuls maîtres. L'énergie supramentale, c'est de l'astral galactique. Exactement comme le plan astral, c'est du vital, planétaire. Le plan vital, c'est comme de la matière, éthérique. Et la matière, c'est du temps et de l'espace. À l'intérieur de vos corps, à l'intérieur de vous, de votre conscience, il y a toujours quelque chose qui lutte contre tout le reste. Il a été dit que sans le corps physique, l'homme n'évoluait pas. Sans la vie, l'homme n'évolue pas. Dans le monde de la mort, on n'évolue pas. Sans le corps astral, on n'évolue pas parce qu'on ne peut pas engendrer un corps mental. Sans le corps mental, on n'évolue pas parce que le mental est la seule fraction qui tombe en contact avec un phénomène extra-céleste, les cieux, ou extraterrestre, le plan supramental. Sans corps supramental, pas de contact avec le plan bouddhique. Sans corps bouddhique, pas de contact avec le plan divin. Sans corps divin, pas de résorption accomplie du temps et de l'espace, donc bref, pas de résorption de la création. Et nécessairement, du point de vue où vous êtes, la majorité, vous vous en foutez royalement de la résorption de l'univers. Sauf que, même s'il n'y a pas d'évolution, et si l'homme n'évolue pas, s'il n'y a pas ses corps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces corps n'ont aucune saveur et aucune valeur s'ils ne sont pas habités par l'homme. Le corps physique n'est rien sans l'homme. Le corps vital, le corps astral, le corps mental, le corps supramental, le corps bouddhique, le corps divin ne sont absolument rien sans l'homme. Et l'homme, c'est quelque chose chez vous qui cimente les corps. Et nécessairement, chaque partie du corps est utile, sauf qu'étant donné que vous vous identifiez royalement à certains corps, et c'est là d'ailleurs une fonction archangélique d'évolution collective, que l'on doit briser du point de vue de la perception de conscience, et pas du point de vue de la forme. Dieu ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que j'ai conscience de la forme. J'ai détruit l'assujettissement de ma conscience à la forme en engendrant la compréhension et la vision claire de la forme. Alors Dieu ne me dérange plus. La personne qui vit, la personne qui arrive à une lassitude de la vie, il se passe simplement qu'elle n'est pas assez spiritualisée. La personne qui, et je dis ceci, jadis, on a enseigné à l'humain que les forces divines dans le ciel étaient des problématiques. On place cette énergie dans le ciel et on nourrit le monde de la mort. Et c'est un fait. Mais j'ai toujours rajouté qu'un jour, il y aura un homme, une femme, qui sur la planète Terre sera capable de prendre l'énergie du monde de la mort, la descendre, de transformer le Sahara en paradis terrestre. Les oreilles de l'homme, les oreilles de l'ego, surtout, aiment encore adorer le Christ sur la croix. C'est-à-dire que la majorité d'entre les humains ont entrepris de démarches évolutives où ils détruisaient, mais où jamais ils ne laissaient de place pour construire. Alors, on détruit les formes. Est-ce qu'on en construit d'autres? Non. Alors, on détruit les archétypes. Est-ce qu'on néotype? Non. Ah, ben, on se fait néotyper, puis on embarque dedans sans s'en rendre compte, puis à un moment donné, on va encore détruire. On détruit le collectivisme, même si c'est intelligent. On détruit l'affection. On détruit énormément de choses. Pas parce qu'on est évolué. Moi, je suis alcoolique. Je vais dans une taverne et je me saoule la gueule. En même temps, je saoule tout le corps. Et à un moment donné, je prends conscience que l'alcool, c'est mauvais. Alors, j'arrive à ne plus rentrer dans la taverne. Et je me dis, j'ai réglé mon problème d'alcool. Alors, à partir de maintenant, je fais dynamiter toutes les tavernes. Savez-vous pourquoi je fais dynamiter toutes les tavernes? Simplement pour me garantir que je ne rentrerai plus dedans, parce que je suis toujours alcoolique. Mais nécessairement, je vais maudire ceux qui sont alcooliques puis qui y vont. Et c'est la seule façon de pouvoir continuer à penser que je ne le suis plus. J'ai posé une question très dangereuse dernièrement à des personnes que j'ai rencontrées ici au centre, des personnes qui font le PMC. La question était, est-ce que ça t'arrive encore de prier en secret Dieu? 40% ont répondu oui. Je dis, malgré tout ce que j'ai dit, malgré que tu me suis depuis 2-3 ans, tu pries encore Dieu. 40 est tombé à 35. Et on dit oui. Et j'ai posé la question à quelques-uns, est-ce que tu l'adores ou tu t'en sers comme outil? Est-ce que ça peut te sauver ou si c'est ton sauveur? La majorité répondit, ça peut me sauver, mais c'est pas mon sauveur. Je m'en sers comme outil. Et ces personnes-là qui ont répondu ça, c'est ceux qui ont encore le sourire d'évoluer. C'est ceux qui semblent encore un peu plus jeunes, ceux qui sont encore capables de faire des folies. C'est pas les faces plates. Quand une personne me dit, bon, je viens à un cours, je fais un séminaire, mais à un moment donné, je suis chez moi tout seul, puis là, je suis tout perdu, puis là, je suis tout fucké. Qu'est-ce qu'une personne supramentale répond? Prends une douche, mange bonne pinotte, prends une banane, fais l'amour sur le toit de la gueule. Mais il se trouve qu'une personne spirituelle ferait mon séminaire, et elle me dirait la même chose, puis moi, je dirais simplement, prie. Si elle prie, elle se couche en petite boule dans son lit, elle se met chaque fois sur la tête, puis là, elle embarque dans les mains de Dieu. Oh. Demain, elle va être revenue correcte, faites-vous en pas. Sauf que pour l'instant, elle n'a pas besoin de se saouler la gueule, elle n'a pas besoin de passer 2 heures dans la douche, elle n'a pas besoin de faire l'amour puis se brûler, elle n'a pas besoin de manger comme un cochon. Ce qu'elle a à faire, c'est juste de... Qu'est-ce qui est le problème? C'est pas votre conscience qui est le problème, c'est les mémoires qui se parlent de votre ego, de l'antium. Alors, au lieu de détruire continuellement les choses, de temps en temps, on instruit l'ego. J'en ai souvent parlé d'instruire l'ego. Les gens ont pensé qu'on instruisait l'ego à coups de marteau. Il y a des parties de l'homme qui devront être plantées à coups de dynamite puis à coups de masse. Mais il y a des parties de l'homme qui devront simplement être instruites. Celles-là, on pourra les digérer et s'en servir. L'homme nouveau est-il un destructeur ou un bâtisseur? Certains vont dire, ceux qui détruisent, la majorité vont dire, On s'en fout. Ouais, on détruit le concept aussi. Ceux qui ne détruisent pas vont dire, ben, l'homme nouveau, c'est un bâtisseur. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes présentement au Québec qui se conscientisent et qui bâtissent? Oh, ben, j'en connais un là, j'en connais un là, j'en connais un là. Ouais. Pendant ce temps-là, les spiritualistes que l'humain conscient haïtant bâtissent des choses de mauditement plus d'envergure. Je pensais à ça tout à l'heure. Il fait moins 17, moins 20. Il y en a qui arrivent en autobus. Il y en a qui arrivent en automobile. Combien de ceux qui ont une automobile se sont dit, tiens, m'attendre au métro? Il y en a que je connais quand même, ouais, sortir, mais embarquer. Ça se fait pas d'un centre de conscientisation, ça se fait d'un centre spirituel, ça. Pourtant, c'est simple, l'idée. Alors, j'explique une chose. Lorsque l'homme grandit, lorsque l'homme accentue son évolution, nécessairement, on doit lui dire un jour que son père et sa mère ne sont pas des dieux, mais des êtres humains. Alors, à l'adolescence, pendant toute son enfance, il avait pensé que son père et sa mère étaient meilleurs que tout le monde. Mon père est plus fort que le tien, ah, le mien est plus gros, ah, le mien est dans la police provinciale, le mien est dans la police municipale, le mien va t'arrêter, le mien va te torturer. Bon, quoi. Des chicanes. Jusqu'à un moment donné, où on se rend compte que ton père, ben, il rentre sous. Tu as déjà vu, mais tu n'as pas conscientisé. Jusqu'à un moment donné où ton père traverse une chicane. Tu avais déjà entendu, mais tu n'avais pas conscientisé. Jusqu'à un moment donné où tu te rends compte que tu as fait une erreur. Jusqu'à temps que tu tombes sur un de ces vieux bulletins. Il est plus bas que toi. Jusqu'à temps que tu regardes se chicaner avec le voisin pour un morceau de haie qui a été mal taillé. Puis là, tu découvres que tes parents sont humains. Et parce qu'ils sont humains, bien souvent, les adolescents commencent à les détester, à les haïr, à plus faire confiance aux adultes. Est-ce que l'adulte l'a trompé ou c'est l'enfant qui avait une conscience à s'adapter à ça? Est-ce que l'enfant s'est trompé lui-même inconsciemment ou c'est l'adulte? L'adolescent va dire, oui, mais il y avait un qui n'a pas entretenir ça. Pourquoi forcer un enfant de 4 ans à comprendre tout de suite que n'importe quand le feu peut pogner dans la maison, que n'importe quand il ne peut plus rien avoir à manger parce qu'on peut perdre notre job, que n'importe quand peut avoir une guerre nucléaire sur la planète? À quoi ça va y servir? Alors, je suis 6 ans, il va être aussi frippé que vous autres. Alors, on y laisse faire, on y laisse croire au Père Noël, on le laisse s'amuser. Quand l'enfant commence à développer la conscience, il va voir des choses que vous ne voulez pas qu'il voit. C'est ce que l'astral fait. L'astral veut se cacher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lentement, au fur et à mesure que cela va monter dans la conscience, l'enfant va devenir... Il va abandonner ce qu'il avait adoré, mais il n'avait pas compris que c'était une copie. Et lentement, il devient mental. Et lentement, il commence à comprendre l'idée de ce que peut être de l'intelligence. L'intelligence, c'est lorsqu'on n'a pas besoin de réfléchir. L'intelligence, c'est lorsque instantanément tu sais ce que tu dois savoir, lorsque c'est nécessaire que tu le saches. Je ne sais pas s'il y a dans le pot d'eau, mais je n'ai pas besoin de me poser la question parce que je prends si j'ai besoin, je ne prends pas si j'ai pas besoin. Alors, l'enfant qui est suffisamment simple, ou l'adolescent, ou le jeune adulte, ou l'adulte, ou la personne âgée qui est suffisamment simple, comprend ça. Là, elle applique de l'intelligence dans sa vie. Appliquant de l'intelligence dans sa vie, elle découvre le maître, le gourou, après ses parents. Intelligence supramentale, après Dieu. Et elle risque de refaire la même chose au nom de ça, démolir le reste. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours alcoolique, alors au nom de la désalcoolisation, elle fait dynamiter toutes les tavernes. Dans la réalité des choses, elle est toujours aussi pognée, mais elle ne veut pas le vérifier et elle ne veut pas le savoir. Lorsqu'une personne revient chez elle, elle trouve ce qu'elle était partie chercher. On appelle cela l'initiation. Lorsque l'alcoolique rentre dans une taverne pour jaser avec un ami, prend un verre et n'en souffre pas, n'en prend pas d'autre, et lorsqu'après 2 heures, il sort de la taverne, il est un initié. Mais la majorité de ceux qui se conscientisent vont dynamiter les tavernes au nom du fait que ça nuit à l'homme. Mieux vaut que les gens se suicident plutôt qu'ils aillent boire. Mieux vaut avoir un cancer plutôt que de se faire guérir par un dieu spirituel. L'intelligence supramentale, c'est la souffleuse qui souffle la neige. Si vous êtes devant, elle va vous souffler. Sauf qu'il y a la souffleuse qui marche tout seul. À l'instant où on met une personne pour diriger la souffleuse et des personnes en avant pour vérifier, qu'on accentue la conscience de la souffleuse. Le plan bouddhique commence à être exprimé. Et le plan bouddhique, c'est une énergie qui a la faculté de respect. Ce que l'intelligence supramentale n'a pas. L'intelligence supramentale, c'est de l'intelligence. Lorsque je parle d'amour intelligent, je parle de l'amour dirigé à travers le plan supramental dans le corps de l'homme. Mais l'intelligence supramentale ne connaît pas l'amour. Elle ne connaît que l'intelligence. Et l'homme qui entre en contact avec le plan supramental doit contourner certaines formes de hiérarchie pour se rendre directement à l'extérieur de la création. Il y a une seule mécanicité qui permet, dans tout le phénomène des copies, de permettre à l'homme, à la conscience de l'homme, qui entre en contact avec les premiers schémas de mécanismes extraterrestres, donc d'une énergie qui n'est pas rayonnée par la Terre, mais qui provient de la création, l'énergie supramentale entre autres. Lorsque l'être humain entre en contact avec ça, il entre en contact avec un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée n'est pas régi par le plan supramental. L'ajusteur de pensée est régi par le plan divin le plus éloigné de la matière, c'est-à-dire qu'il est presque régi par la force intentionnelle duquel découle la création. L'ajusteur de pensée, il n'est pas intentionnel, mais il est intentionnalisable. L'ajusteur de pensée, son rôle et sa fonction est de vous donner de la conscience. Cette conscience, l'ajusteur de pensée la donne à l'homme en permettant à la conscience planétaire de l'homme d'avoir accès à une conscience extraplanétaire. L'ajusteur de pensée est exactement à la limite entre le terrestre et l'extraterrestre, entre le céleste et le cieleste. C'est la liaison. L'ajusteur de pensée, il ne sert pas le mental, il ne sert pas le supramental. L'ajusteur de pensée, il attend que vous vous en serviez. Il attend que vous le digériez. L'homme ne doit pas se laisser digérer par le plan supramental. L'homme ne doit pas se laisser digérer par l'ajusteur de pensée. L'homme doit le digérer. Lorsque l'on digère son ajusteur de pensée, cela veut dire que l'ajusteur de pensée nous permettra d'aller fouiller là où on veut aller fouiller. Et non pas nous amener exclusivement à l'information qui passe par lui. Et ça redit ce que j'ai dit tout à l'heure, ça le répète dans d'autres mots. Le plan supramental sans l'homme, ce n'est rien. Et tous les autres plans sans l'homme, ce n'est rien. Qu'est-ce que l'homme? Ce qui cimente les choses. Ce qui donne une raison d'être aux choses. Qu'est-ce qui donne une raison d'être au corps physique? C'est l'homme, pas le corps. Même pas l'évolution, l'homme. Et l'homme, appelez ça Dieu dans l'homme, appelez ça comme vous voudrez, c'est la même chose. Qu'est-ce qui donne de l'importance au plan astral pour que celui-ci se dynamise suffisamment pour venir vous hanter? C'est l'homme. Le plan astral est une copie conforme d'une partie de l'homme. Dans cette copie conforme, il y a suffisamment de copies de l'homme pour que ça crée de l'ego, pour que ça crée une illusion de libre-arbitre, pour que ça crée une illusion d'intentionnalité, pour que ça crée une illusion d'amour. C'est essentiel. Ça structure les plans inférieurs pour permettre au plan supérieur de s'appuyer dessus. Vous n'êtes pas des corps physiques, vous n'êtes pas des corps astrales, vous n'êtes pas des corps mentaux, vous n'êtes pas des ajusteurs de pensée, vous n'êtes pas des corps supramentaux. Vous êtes l'homme. L'homme, l'humain, la femme. Lorsque l'être humain, par l'ajusteur de pensée, a accès au plan supramental, il développe sa conscience. Et on ne doit pas s'arrêter au carton du gâteau. Lorsqu'on a un ajusteur de pensée, vous en avez tous un. Et même plusieurs en ont un consciemment. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas à quoi ça devrait ressembler. Ils ont une idée de ce que ça devrait être, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors, ils se servent de leur ajusteur de pensée pour essayer de trouver l'ajusteur de pensée. C'est intéressant, ça occupe. Lorsqu'on a un ajusteur de pensée, et vous en avez tous un, on doit s'arranger maintenant pour intelligencer la matière, mettre de l'intelligence. Alors, lorsque un chien meurt frappé par une balle de fusil ou un automobile, on doit dire « un chien est mort ». C'est de l'intelligence. Lorsqu'un chien est blessé et qu'il est dans la rue, l'intelligence supramentale va l'observer et va dire « Un chien est blessé. » Et il est dans la rue. Voilà. Lorsque l'intelligence supramentale voit des personnes qui attendent l'autobus sur un coin de rue, l'intelligence supramentale dit « Des personnes attendent l'autobus sur un coin de rue. » Telle est l'expression de l'intelligence. Il désassujettit totalement la conscience de l'homme de la manipulation émotive, de la souffrance émotive et de tous les phénomènes archétypales qui assujettissaient l'évolution de l'homme à la gustation émotive de l'événement. Telle est l'intelligence supramentale. Elle est intelligente. Mais on doit entrer en contact avec le plan bouddhique pour ne pas devenir un outil, un instrument d'évolution de l'humanité que j'appelle les martyrs de la transition. Alors, on doit continuer à essayer de recréer dans l'expression supramentale les leçons qui ont été archétypalement instaurées dans les plans astraux. On ne va pas nécessairement lire dans l'astral tout ce que l'on devra faire. Je parle évidemment de l'astral supramental, de l'astral bouddhique, de l'astral divin. On a déjà parlé suffisamment des individus qui se pluguaient à l'astral supramental. Il y a la personne qui a un contact supramental et qui peut donc répondre instantanément à n'importe quelle question d'un ordre évolutionnaire. Et on a la copie conforme qui se connecte à l'astral supramental et qui aura une voix puissante, qui brisera des formes, qui aura une forme d'assurance, qui apparaît apparemment est contre la tradition, amène du neuf contre la tradition ou sur la tradition. Mais il y aura une nuance. Si on approche un contacté supramental d'un contacté astral supramental et qu'on les met les deux sur la même scène, si vous posez une question, celui qui est contacté à l'astral supramental dira « Je vais laisser lui répondre. » Mais celui qui est connecté à l'astral supramental a exactement la même expression que celui qui a un contact supramental. Et celui qui a un contact astralo-supramental vivra une conscientisation comme celui qui a un contact supramental. Les deux sont du même ordre. J'ai déjà dit, par contre, que ceux qui auraient un contact astralo-supramental et qui le limiteraient là, feraient partie du mauvais côté du contact et deviendraient un jour les ennemis de ceux qui se connectent réellement. C'est comme ça au Québec depuis déjà 10-11 ans. Celui qui a un contact astralo-supramental se limite là. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement soif de boire de l'intelligence qu'à l'instant où il a donné un verre de l'eau d'une source, il prend le verre et il se contente du verre. Et il attendra qu'on le lui remplisse. Donc, il attendra toujours pour pouvoir continuer son cheminement, que ceux qui ont un contact réel avec la rivière continuent à exprimer de l'intelligence dans la matière astrale de façon à remplir son verre. Sauf que celui qui a un contact supramental réel a la faculté de fouiller et de redescendre, prendre l'information dans l'astral bouddhique pour orchestrer son canal de façon à traverser la conscience supramentale pour aller maintenant chercher l'information dans le plan bouddhique. Celui qui est connecté à l'astral supramental arrivera aussi à boire dans l'astral bouddhique. Le problème, c'est que dans l'astral supramental, il n'y a présentement pas d'expérience qui puisse dicter à l'individu qui est connecté là qu'existe l'astral bouddhique. Alors, il n'ira pas. Lorsque l'énergie bouddhique s'exprime à travers la conscience supramentale et l'anime, l'individu qui se promène en automobile et qui voit une personne sur un arrêt d'autobus qui gèle, vibrera un sentiment pour elle. Il ne vivra pas une émotion, mais il vibrera un sentiment. Il ne la jugera pas, comme bien souvent les conscientisés font. Ceux qui jugent, c'est ceux qui font sauter les tavernes. S'il voit un chien blessé, il dira « Un chien est blessé ». Il le prendra entre ses mains et l'amènera quelque part pour l'aider. Le plan bouddhique s'exprime à travers la conscience supramentale. Il ne souffre pas de voir le chien blessé. Il ne souffre pas de voir les personnes gelées. Il ne souffre pas de cela. Mais ça ne le limitera pas à une expression exclusivement intelligente, mécanique. Mais ça va lui permettre aussi d'exprimer un autre plan qui permet l'avancement de l'évolution. L'intelligence supramentale est une force qui a déjà un jour implanté les conditions géoviques, la loi, la mécanique. Le plan boutique a un jour implanté les forces iaviques, l'amour. Celui qui, à travers son expression supramentale, voit l'intelligence et est capable d'appliquer de l'expression boutique a la faculté d'amour intelligent. Il est capable de vivre un sentiment, alors il rentre quelque part et il voit quelque chose et les larmes commencent à couler. Il ne braille pas, il pleure. En réalité, le corps physique étant juste pas suffisamment solide pour exprimer, pour supporter la résonance vibratoire, alors il y a des sécrétions exocriniennes, plus endocriniennes. Celui qui a un contact divin, lorsqu'il se promène et qu'il voit le chien blessé, il dit « un chien blessé ». Quand je dis « il dit », il ne dit pas, mais c'est ce que je veux dire. Et il va prendre le chien pour l'aider. Il aura une résonance vibratoire avec le chien, pas une projection de lui-même dans le chien. C'est pas parce qu'il souffre de se voir chien blessé qu'il va aider le chien blessé. Il n'est pas manipulé de cette façon-là, pas comme l'humain l'est. Il prend le chien, et quand on va observer l'individu qui se met à genoux pour ramasser délicatement le chien, on va avoir l'impression de voir une pureté totale prendre le chien. Et il guérira le chien. Il l'amènera pas quelque part, il va le guérir. L'intelligence bouddhique, elle permet de raisonner avec le chien. La résonance avec le chien permet l'intelligence divine d'entrer en communication avec le chien et l'intelligence divine, le plan divin, est la copie conforme et c'est la partie la plus intentionnelle de cette création. Alors le chien pourra guérir instantanément. Elle est intentionnelle et elle est presque instantanée. Alors le chien guérira instantanément du point de vue de nous autres. Ça prendra quoi? Quelques millièmes de secondes. Enfin, c'est pas instantané, mais presque. L'intelligence supramentale vous permet de devenir désassujetti du point de vue de la manipulation face aux archétypes évolutionnaires qui dirigent l'animal humain. Le rôle de l'homme du point de vue planétaire est de créer un corps physique qui supportera de l'intelligence divine. Votre rôle en tant qu'âme est de sécréter des hormones et la sécrétion d'hormones exprimant toute forme d'émotion mute le corps physique en le rendant plus résistant. Le rôle de l'animal humain est donc de souffrir. Alors, je prends ma main et je l'écrase et que je souffre. Et j'écrase un peu moins fort. C'est le bonheur. Je souffre toujours. Une différence potentielle, c'est le bonheur. Après 2 jours d'écrasement moins fort, je me dis, ouais, mais merde, il m'écrase encore. On s'écarte toujours du bonheur. Alors, j'écrase moins fort. Ah, c'est le bonheur. Et après 2 jours, je m'écœure. Et subitement, ah, ça écrase encore plus fort. Ah, ben là, ben ça relâche. Ah, là, je suis pire que j'étais, mais je suis plus. Et toute la vie de l'animal humain, à travers les millions d'années de l'évolution endocrinienne, elle permet à l'animal humain de sécréter des hormones, et ça, il faudrait que ce soit bien cellularisé, bien compris. Il y a des lois qui régissent l'animal humain, ces lois sont planétaires, donc célestes. Il y a des lois qui régissent l'être humain, et ces lois sont extra-célestes, donc cielestes. L'une fonctionne par la compréhension vibratoire, la cognition vibratoire, le savoir instantané, et la perception sentimentale, mais pas sentimentale, sentimentique, résonance d'un sentiment à travers l'évolution de la vie. Le corps physique reste utile, même pour le plan divin, même pour le plan bouddhique, même pour le plan supramental. C'est pourquoi le plan supramental vient vous chercher et c'est pourquoi les autres plans vont venir aussi. La problématique, c'est que l'intelligence supramentale ne connaît pas l'homme. Elle n'a jamais été homme. Elle n'a jamais été dans un corps physique. Elle n'a aucune idée de ce que c'est que l'astral. Elle n'a aucune idée de ce que c'est que ces choses-là. Une personne qui est contact supramental, est-ce que c'est un médium? Non. Une personne qui est contact supramental, est-ce que ça fouille dans le monde de la mort pour connaître les choses? Non. Ça explique le monde de la mort du point de vue de l'évolution de conscience. Mais ça ne pourra pas aller fouiller dans le monde de la mort pour prévoir l'avenir astral de la planète. Ça ne pourra pas fouiller dans le monde de la mort pour prévoir le jeu boursier de la planète. Ça ne pourra pas fouiller dans l'astral pour pouvoir prévoir les symptômes évolutifs ou, disons, amusement évolutif de l'homme. La conscience supramentale ignore tout de la planète. Vu connaissez la planète. Et vous êtes la solution des cieux. Et ils sont la solution du ciel. Et à travers cela, il y a l'homme. Quelque chose qui cimente ses parties. Qui est le plus vous que vous? Lorsque nous parlons de fusion, il doit y avoir une fusion de conscience entre le plan physique, vital, astral et mental. Par anégoïsation, donc, lorsque le plan astral finit par accepter l'idée qu'il est une copie, et non pas une entité réelle, mais une copie d'une réalité. Lentement, il vibre d'une autre façon. On appelle cela l'anégoïsation. Cela engendre une expression supramentale dans le monde de la planète Terre, donc dans un plan moronciel, qui va créer une copie subatomique, énergétique, conforme à l'atomicité de votre corps physique, qui est l'enveloppe même séraphique de votre âme. Autrement dit, à travers l'anégoïsation, vous allez être capable d'engendrer une copie dans le plan supramental, donc dans un phénomène extraterrestre, de ce que vous êtes dans le monde de la matière, dans le monde de la Terre. Et là, vous allez vivre de deux façons. Vous allez avoir une localisation céleste et une localisation céleste. On appelle ça bilocation. Lorsqu'on a cette bilocation, localisée à deux places, au niveau de la conscience, on doit maintenant faire l'alliance entre le ciel et les cieux. La personne qui a une évolution supramentale, le martyr de la transition, est une personne qui va juste être capable de tamponner. Temporairement, elle gagne de la conscience supramentale et elle en parle et elle en pense. Mais elle est un réservoir plugué qui ne saura jamais quoi faire, qui ne saura jamais où aller, qui sera toujours en perturbation parce que son rôle est d'amener de l'intelligence dans l'astral pour que les peuples qui n'ont pas accès à l'intelligence supramentale puissent avoir accès à l'astral supramental. Autrement dit, refusant le dieu du monde de la mort, on s'accroche au dieu supramental. On ne l'appelle pas dieu, parce qu'on n'est pas des cons. Mais on s'accroche quand même au dieu supramental. Et à travers cela, ce dieu supramental-là, l'intelligence supramentale, qui est une souffleuse qui va même vous souffler si vous êtes devant, bref, qui se fout royalement de vous, elle permet en s'ajustant à vous, soit en démolissant vos corps, soit en transformant vos consciences, d'amener des bribes d'intelligence dans le monde de la mort. Alors là, il y a une personne qui va s'écraser à l'église, et qui prie, puis qui veut une solution divine. Puis subitement, paf, on y donne. C'est vous qui avez donné. Alors, elle se lève et elle en parle. Elle en parle astralement, elle en parle émotivement, et elle réunit 3000 personnes. Et là, ils partent, ils font l'idée que vous avez eue. Tout ce qui va vous rester, vous, c'est la souffrance de voir que vous n'êtes pas assez rapide, on pique vos idées. Combien de personnes qui se conscientisent pensent faire de l'argent? Beaucoup. Lâchez pas. Ça permet aux autres de s'enrichir. Lorsque l'être humain a maintenant la compréhension que si dans le plan supramental, il ne peut pas lire dans le plan bouddhique, alors il doit lire dans le plan astral bouddhique. Et c'est pourquoi il doit donc, encore une fois, être capable de supporter l'idée de la copie. Mais il doit savoir que la copie est une copie. Jamais on ne doit accepter une hiérarchie. Jamais on ne doit se mettre à plat ventre devant une condition. Nous sommes la condition. Alors on ne doit pas vénérer un corps physique d'un athlète, d'une belle femme, de n'importe quoi. Parce que nous sommes tous les corps physiques. On ne doit pas vénérer une copie de Dieu, une copie de ceci, une copie de cela. On ne peut pas vénérer une hiérarchie. On ne doit pas. Mais rien ne m'empêche de me servir de ce que la hiérarchie a à m'offrir. Et rien ne m'empêche de lui dire merci, c'est-à-dire de faire un retour d'énergie. Pour que ce que je prends ne la mette pas à mort, je redonne. Si je ne peux pas lire dans le plan bouddhique, je dois lire dans le plan astralo-bouddhique. Je ne peux pas lire dans le plan divin, je dois lire dans le plan astralo-divin. Je ne peux pas aller dans le plan supramental, je dois me contenter du plan astralo-supramental. Il y a des dangers de lire dans l'astral supramental. Il y a des dangers de lire dans l'astral bouddhique, d'aller dans l'astral divin. Il y a de gros dangers. Le danger, oubliez que c'est une copie et vous serez faite. Des humains jamais devront lire et oublier. C'est pas nécessaire que ce soit vous. C'est pas déterminé qui ça va être, mais c'est déterminé combien il va y en avoir. Lorsque l'homme, lorsque la femme exprime de l'intelligence, elle doit nécessairement apporter dans l'expression de l'intelligence de l'astral bouddhique ou du plan bouddhique, de l'astral divin ou du plan divin. Un jour, l'intelligence supramentale, dans sa copie conforme planétaire, l'intellectuel, a amené de l'intelligence sur la planète. Alors, on a commencé à faire de grandes mines. On a commencé à faire de grandes usines. On a commencé à penser à production. On a commencé à organiser. On a commencé à faire des véhicules qui allaient de plus en plus vite, des avions qui allaient de plus en plus loin, des bateaux de plus en plus gros, et nécessairement des armes pour protéger tout ça. C'était de l'intelligence que l'homme appelait ça, de l'intelligence, la copie conforme de l'intelligence. Mais c'était correct. Alors on y allait, schnacklé, on a commencé à inventer le montage de la chaîne. Au lieu que tu fabriques un automobile, tu as placé 3 boulons. On va en fabriquer 400 fois plus. C'est intelligent. Qu'est-ce qui l'a manqué? Cette intelligence se fout royalement de l'homme. Elle se fout de tout ce qui a une relation affective, sentimentique. Alors lentement, cette intelligence a pollué. Mais ça ne la dérangeait pas. Elle a stressé, elle a empoisonné des humains, elle en a tué des humains. Elle en a rendu fous des humains. Au nom de l'intelligence intellectuelle, l'industrie. Et maintenant qu'on arrive au niveau du plan supramental, on risque, et certains vont le faire, de recréer cette condition. Où il y aura une condition de logistique, d'intelligenciation chez vous, qui sera même capable de vous tuer. Parce que l'enfant nouveau se suicide parce qu'il voit juste assez, mais juste pas assez. C'est son intelligence qui le tue. L'intelligence le fout. Ce n'est pas intentionnel, elle ne peut pas le goûter.